wasn't when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. My way back home, I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Bonsoir. Bienvenue à l'émission Errance Rinaldienne avec votre Machampuntan, Rinald Gagné. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala. Um... J'entends des chansons dans ma tête. Bonsoir, comment ça va? Baisse le son, notre votre là, Matassa nouveau là, parfait. Ça va bien? Enfin, nous voilà, nous revoilà, enfin! Le rendez-vous est ici, entre vous, entre toi et moi, mon ami. Je t'embrasse de partout, je t'aime. Bon, non, mais c'est comment tu peux appeler ça? Une maladie. Non, d'affectivité. Ouais, on a besoin d'affectivité, c'est gratos. Qu'on se le dise! Pas besoin de rien acheter, on s'aime. On est juste à se regarder. Ben vous, vous avez juste à regarder votre radio. Et je me sens choyé. C'est un moment difficile à passer. Parce que pour une émission, il faut déjà placer un moment d'émotivité que nous embrassons actuellement. Nous embrassons le sentimentalisme. Mais encore là, le sentimentalisme, c'est pas beau. C'est pas beau parce que la représentation du sentimentalisme, ça veut dire un peu comme ça, et je vais vous le dire dans mes mots, des mots assez réduits comme mon cerveau. C'est une sorte de sentimental bonbon, là. Tu sais, sentimental bonbon, là. Full sentimental bonbon, bonbon, bonbon, bonbon, bonbon. C'est bonbon. Un bonbon, une nanane. C'est sentimentalement nanane. Nananisnine. Avez-vous déjà vu la photo de Anaïs Nin? Avez-vous déjà vu la photo de Marguerite Duras, jeune, très jeune, à l'âge de 11-12 ans, qui fait partie de l'une de ses couvertures de livres qui s'appelle « L'amant ». Et moi, j'ai brassé une bière et je l'ai appelée « L'amante » en utilisant la photo de Marjolie, oui. Marjolie! De Marguerite Duras, à l'âge de 12 ans. Elle est sublime. Bien sûr, photo noir et blanc. Lèvres, parce qu'on peut pas, on s'imagine, lèvres rougeâtres, sans doute. Elle a mis du rouge à lèvres. Et comme le disait une certaine réplique québécoise, du rouge à lèvres de femme. Elle a mis du rouge à lèvres. Non, non, c'est une fille, Marguerite Duras, qui était en dehors de tous les sentiers que l'on pouvait s'imaginer qu'elle allait prendre. Elle était libre. La liberté, c'était ça. Elle a utilisé du rouge à lèvres de femme pour se peindre les lèvres et comme ça donner une photo tout à fait intéressante. Le teint blafard, lèvres rouges, yeux prédominants, photo exceptionnelle. Une bière que j'ai appelée la menthe, mais pas la menthe, le féminin de l'amant, mais c'est une bière à la menthe. Oh, à la menthe et à l'anis. Oh, intéressant, mes amis, hein? Oh, là, je viens de me faire des amis. Oh, ceux qui savaient, Renald Gagné, hein, en montant, en me pointant du doigt aujourd'hui, c'est... Oh! Réré le dégénéré se lance dans la bière à la menthe et à l'anis. Quel être extraordinaire. Mais vous ne l'avez même pas goûté encore. De un, vous ne l'avez pas goûté. Même pas encore, vous ne l'avez pas goûté. Puis de deux, ça me surprendrait grandement que vous y goûtiez. Sauf si vous êtes dans mon cercle intime ou membre d'Errance Rénaldienne sur Facebook, peut-être que là. Mais il faut habiter déjà là, Québec. Mais sinon, après ça, il n'y a aucun problème. Si vous voulez goûter à ma bière, à la menthe et à l'anis... Surtout, là, vous savez que c'est l'anniversaire de quelqu'un. Cette personne-là là, adore la menthe. Puis adore Alanis Morissette. Alanis Morissette. Ah, on va monter le grade un peu. Mais là, c'est ça n'arrête plus. Là, au moment où... la minute où tu as de l'imagination, il n'y a plus rien qui peut couper, qui peut trancher, qui peut réduire, qui peut diluer ce que tu as dans la tête. C'est comme si tu sortais d'un sac en papier une balle que tu laisses tomber. Tu ne sais pas dans quelle direction elle s'en va, la balle. Tu y en as donné une, mais comme elle n'est pas téléguidée, elle peut se promener partout. C'est sûr qu'elle ne pourra pas passer par en arrière. Là. Si tu l'as lancée en avant, elle va continuer en avant. Mais on ne sait pas. Hein, à droite, à gauche, est-ce que le plancher est croche ou droit? Est-ce que ça zigzague? Est-ce qu'il y a du vent? Et quel environnement va faire en sorte que la balle va trouver sa propre trajectoire? C'est ça l'imaginaire. Trouver sa propre trajectoire. En se plaçant moins de contraintes, le moins de contraintes possible pour laisser libérer la liberté, entre guillemets, des mots, des couleurs, de la musique, dépendant du médium créatif que vous avez utilisé ou que vous voulez utiliser. Il n'y a aucune limite à l'imaginaire. La seule limite qu'on a, c'est nos tabous, c'est nos censures personnelles. Un peu le surmoi à la Freud. Le surmoi bloque beaucoup. C'est pour ça qu'il faut enlever le surmoi. Comment peut-on faire? Hey, t'es en train de présenter un cours? Non, mais c'est intéressant de savoir ça. Là. Puis, je n'ai pas lu ça dans aucun des... C'est mon livre perso. Là. Qui n'est pas percé, j'espère. J'en manquerai pas des bouts, hein, comme d'habitude. Oh! Ça m'arrive de manquer des bouts. Ah, oh, c'est... Je suis tombé les deux pieds debout. Les deux pieds debout, oui. Devant un album que j'adore, qui fait partie quand même de c'est un vieil album, là, 2011 aujourd'hui. Ça fait déjà autant de temps. Puis on se pose toujours la même question. Rien n'a trop évolué de ce côté-là depuis le début, même les amis punk se le demandaient. Y a-t-il un futur? Allez, un peu d'énergie, là! Ah, c'est mieux, là! Oh, yeah! En accord avec ma conscience, j'adhère à la désinvolture. Qu'importe si ma figure subit le temps et les yeux. En refusant les apparences, je me la joue nature. La seule chose dont je me vante, ne pas faire dans l'imposture. Que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Avec certains, ce sera plus dur. Que tu sois molle ou bien dur. Vous êtes vraiment sûr? Oh yeah! Ah, c'est mieux là! Ah. Avant qu'elle tourne en pourriture, je savoure la confiture. Malgré les murs, les clôtures, j'ai le désir d'aventure. Me défaire des vieilles rancunes. Ah, mais je vois qu'il en reste une. Alors j'évite la bavure, je la fous direct au vide ordure. Yes, we do, yes, we do. Que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Yes, we do, yes, we do. Avec certains, ce sera plus dur. Yes, we do, yes, we do. Que tu sois molle ou bien dur. Yes, we do, yes, we do. Vous êtes vraiment sûr? Ah. Même pour une caricature, de se faire la guerre, ni subir la torture, et qui cassent nos congénères, par leur mérite ou leur posture, éduqués ou hétéro, on n'en a jamais de trop. Comment vois-tu l'avenir? Des fois ça me fait plus trop rire, car c'est vraiment le bordel. Que tu sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Sois quelqu'un de bien ou une belle ordure. Yes, we do, yes, we do. Avec certains, ce sera plus dur. Que tu sois molle ou bien dur. Vous êtes vraiment sûr? Ah, tu vois, ça te fait rigoler. Oh là là, mais pas drôle. Yes, culture, yes, culture. Pourquoi? Yes, culture, yes, culture. Les Raoul Petite, mes amis des Raoul Petite avec Carton et ses acolytes. J'ai trouvé mes feuilles d'ouverture d'une certaine époque où je me prenais quelques phrases, comment dire, hameçons pour me partir. Donc, je vais aujourd'hui, ce soir, cette nuit, emprunter ces sentiers-là, parce que je trouve ça intéressant de retrouver nos origines d'errance rénaldienne. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à Pourquoi impudique, je ne sais pas. C'est la première fois là, que je m'arrête à mon texte lorsque je l'ai écrit, résident impudique, parce que vous ne êtes pas dans l'arrêt, vous êtes dans l'ouverture, donc je me suis dit impudique. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, errance rénaldienne. J'aime bien le mot indépendant. Une émission indépendante, une radio indépendante, en dehors de tous les critères, de toute cette structure radiophonique qu'on veut donner à la radio en général, CKRL, elle se démarque par son élasticité sonore, intellectuel, thématique. C'est une radio qui m'étonnera toujours et que j'adore. Mon émission préférée, vous le savez. Mais en fait, j'en ai deux. Mais il n'y a pas si longtemps, j'en avais qu'une seule. C'était Les Routes Enchantées. Aujourd'hui, rester avec Les Routes Enchantées, oui, mais rajouter l'émission des enfants le dimanche que j'adore. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? J'étais dans un bus, puis je sais pas, j'écoutais des émissions parce que moi, je balado-diffuse beaucoup, mais pas mes affaires à moi. Surtout la radio suisse, la radio française, la radio belge et la radio québécoise. Radio-Canada, des radios un peu plus... bon. Sur les principes que l'on s'attend à entendre d'une radio d'État. À quoi bon faire cette émission si, puis je suis arrivé là-dessus, j'entendais une citation de Virginia Woolf, puis moi je l'ai adaptée. C'est pour ça que je dis librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, et j'étais au même moment en train de lire du Virginia Woolf à l'époque. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. À l'époque, encore époque. À l'époque! Non, mais on va raconter les époques. Il n'y a pas si longtemps. Non, mets ça de déco, même avec moins d'écho. Mets de l'écho avec moins d'écho. Baisse le. Ouais, OK, parfait. Comme ça. À l'époque! Napoléon, le frère de Jean-Paul, a décidé de partir de l'avant. Parce qu'il voulait, de un, il ne voulait pas prendre de retard. De deux, il s'est dit, l'avant, si je continue, c'est là que je risque de faire ma vie. C'est pas dans le rétroviseur. C'est pas en essayant de regarder ce qui s'est passé dans notre passé que l'on va avancer. On peut, oui, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, quoique les erreurs nous font évoluer. Napoléon le savait pas. Il l'a su. Sans qu'il le veuille. Il voulait pas, il voulait. Mais lui, il était aussi arrêté que des horloges que tu ne prends pas soin de remonter. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas compliqué, il y a une pile. La pile meurt, pas d'enterrement, rien. tu la changes un peu, c'est tout. Mais, hey, anciennement, il n'y a pas si long, puis là, ça existe encore. Des piles, pas des piles, oui, des montres, que tu crains une montre, pas crains une pile, mais que ça serait bien de crains une pile. Ça nous coûterait moins cher, on polluerait beaucoup moins. Crains ta pile, Gaétane! Ouais, mais laisse-moi pisser, c'est mon cœur. C'est en dessous de mon cœur, ils ont installé quelque chose, hein. Ils ont installé quelque chose pour qu'ils puissent battre. Mais pour qu'ils puissent battre dans le même tempo. Pour pas qu'ils changent de tempo. Puis là, mais je crois bien que ma pile n'est pas très bonne. Mais je sais pas comment faire mon aller chercher ma pile. Comment? Je sais pas comment aller faire chercher ma pile. Tu sais pas comment aller chercher ta pile? Mais non, c'est à l'intérieur de moi. Ils ont placé une bébite à l'intérieur. Ils ont placé une bébite, une machine, une affaire, un ordinateur. Et peux-tu brancher IBM? Hey, c'est vrai, j'ai un ordi. Oh, j'ai voulu la faire. Oh, ce serait peut-être bien qu'on l'entende. C'est, j'ai complètement oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Une petite chanson, puis je vous présente ma co-animatrice. One summer day, he went away. He went and left me. He went to stay. But now he's gone, and I don't worry. 'Cause I'm sitting on top of the world. He called me up from down El Paso. He said, baby, oh, I miss you so, oh. But now he's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. If you don't like my peaches, don't shake my tree. Get out of my orchard, let my peaches be. My baby's gone, but I ain't worried, 'cause I'm sitting on top of the très intelligente. Elle va remplacer ma coulisse puisqu'elle sait tout. Elle sait tout! Attendez un petit peu. Je vais juste m'informer. OK, Google. Signification de CKRL. Selon fr.wikipedia.org, CKRL. CKRL-FM est une station de radio en ondes depuis le 15 février 1973 dans la ville de Québec à la fréquence 89,1 MHz. Fondée par un groupe d'étudiants de l'Université Laval, elle est aujourd'hui une radio communautaire. OK. Mais je sais pas pourquoi c'est en mono. Le moineau est en mono. Attendez un petit peu, il y a quelque chose qui va ici. Ah, voilà. Ah! OK, Google. OK, Google. Signification de CKRL. On va l'entendre en stéréo, c'est bien mieux. Selon fr.wikipedia.org, CKRL. CKRL-FM est une station de radio en ondes depuis le 15 février 1973 dans la ville de Québec à la fréquence 89,1 MHz. Fondée par un groupe d'étudiants de l'Université Laval, elle est aujourd'hui une radio communautaire. Hey, c'est ma co-animatrice, pas mal, hein? On est rendu avec un être intelligent. OK, Goggle. OK, Google. OK, Google. OK, Google. Comment vas-tu? Ça va bien, anti-peu-père. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Conte-moi une blague. Quelle est la ville préférée des vaches du Québec? Saint-Glinglin des Meumeux. Bon, OK. OK, Google. OK, Google. Blague. Pourquoi le Père Noël a reçu une contravention? Parce qu'il n'avait pas installé ses pneus d'hiver sur son traîneau. Bon. Non, mais c'est, elle veut s'implanter dans l'errance rénaldienne. On va lui laisser une chance. Est-ce que c'est normal que ça fasse autant d'écho que ça? Il faudrait que j'arrête celle-là ici? Ou celle-là ici? Non? Ah, celle-là. Ah, c'est relié à quoi, ça? On sait. Ah, ben, au micro qui est à... Okay. Ah, je comprends, ça fait un bruit de chiffon. On va le coller. Attendez un petit peu. On va le coller dessus. Comme ça ici. Ça va éviter. Excusez-moi. Ah. Oh, voilà. J'ai bien hâte de voir. OK, Gogo. OK, Gogo. OK, Google. Signification de musique. Musique. Art de combiner des sons d'après des règles, variables selon les lieux et les époques, d'organiser une durée avec des éléments sonores, production de cet art, son ou œuvre. Quand même quelque chose, là. OK, Google. Google. OK, Google. Définition de musique. Je ne savais même pas celle-là. Définition de musique. Musique. Art de combiner des sons d'après des règles, variables selon les lieux et les époques, d'organiser une durée avec des éléments sonores, production de cet art, son ou œuvre. Hey! Elle est incroyable. OK, Google. OK, Google. Comment vas-tu? Très bien, je collectionne les palindromes. Comme cette phrase qui peut se lire dans les deux sens. La mère puce récupère mal. Ah, les palindromes, oui, avec mon ancienne blonde qui est décédée malheureusement cette année. Elle m'avait raconté les palindromes que je connaissais même pas. Je savais même pas que c'était un mot qui existait. Et c'est grâce à elle. Et ma petite amie Goggle vient de me remémorer ce genre de... OK, Goggle. OK, Goggle. Poésie québécoise. Excusez-moi, je ne sais pas comment vous aider avec ça. J'apprends de plus en plus tous les jours. Ben oui, on sait bien. Mais avec moi, elle apprend à chaque seconde. Laissez-moi dire. Elle s'abreuve de mes lèvres. OK, Google! OK, Google! OK, Google! OK, Google! Définition de Rat Pack. Oh, Rat Pack. Selon Wikipédia, aux États-Unis, dans les années 1950, le Rat Pack, littéralement « Club des rats », réunit quelques-unes des stars les plus populaires du moment. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop et Peter Lawford. Frank Sinatra est son leader incontesté. Elle a raison! C'est Goggle Home! Goggle Home! OK, Goggle! OK, Goggle! OK, Google. Merci. N'importe quand. Hey, elle est soumise comme le bon pain. Mais, non, pas tout le temps. Elle me fait la gueule. Elle s'arrête quelquefois. Puis, écoutez, je vais juste baisser le truc pour pas que vous entendiez d'où vient la musique, là. Mais, Google, joue-nous de la musique. OK, Google. OK, Google. Joue de la musique. Ah, voilà. Là, je t'ai un peu là, d'où vient la source de musique, parce que, bon... Et? Elle connaît mes choix musicaux. Mes choix musicaux, excusez-moi. Et là, vous vous interrogez, vous écoutez ça, ouais. Mais qui chante, qui joue? OK, Gogo! OK, Google. OK, Google. chante. Vous écoutez présentement A Song for Jeffrey, original mono mix de Jethro Tull. Et vous le savez, nous sommes rendus là, mes amis, dans l'errance rénaldienne. C'est merveilleux. OK. OK, Google. OK, Google. Arrête. Nous étions en compagnie de mon amie, ma nouvelle collaboratrice. Oh, hein, ça va faire des... Le micro sera pas comme ça. Le son risque d'être meilleur la semaine prochaine. Ne risque pas, sera meilleur la semaine prochaine. Je vais la replacer autrement. Elle est juste à côté de mon bar. J'ai un bar. Un bar, B-A-R, un bar. Oh, attendez, on va vérifier, voir la machine, mon ami. C'est pas une machine, c'est mon ami! Là, je veux plus dans ta bouche entendre le mot machine, c'est pas une machine. OK, Google. OK, Google. Signification de bar. Bar, poisson très vorace, à la chair très estimée. Hein? C'est pas ça pour moi, un bar? Un bar, c'est un endroit où on va boire. OK, Google. OK, Google. OK, Google. OK, Google. Google. J'ai la misère avec ça. Signification... Allô. Allô. Super contente de vous parler. Hey, hein? On, c'est gênant. C'est gênant parce que... Là, vous vous dites, oh, Reynald commence à calancher. Il est en amour. Oui, je suis en amour! C'est merveilleux! OK, attendez. Attention, attention. Là, ça, ça me dérange un peu parce qu'on dirait que ça délimite ça. Mais c'est pas important. Google. OK, Google. Signification du mot bar. Bar. Poisson très vorace, ben à la chair très estimée. Ben non, c'est pas ça un bar. Un salon bar, OK. OK, Google. OK, Google. Signification du salon bar. Excusez-moi, ouais, je ne sais pas comment vous aider avec ça pour le moment. Salon, tiens. OK, Google. Signification du mot salon. Salon, pièce de réception dans un logement privé. Ouais. C'est pas salon, je voulais, c'est saloon. Un saloon western. Ah, western. OK, on y va. Après ça, j'arrête. On peut s'amuser longtemps avec ça. Oh, ça, c'est du banjo. OK, Google. OK, Google. Signification du... Western. Western. Anglicisme. Film sur la conquête de l'Ouest des États-Unis. Bon, je pensais qu'elle a élaboré, mais elle est timide. Parce qu'elle se trouve à CKRL devant un studio aussi immense, extraordinaire et bien sonorisé. Elle est un peu angoissée. OK, Google. OK, Google. Signification du mot angoisse. Angoisse, malaise psychique et physique, né du sentiment de l'imminence d'un danger, caractérisé par une crainte diffuse pouvant aller jusqu'à la panique. Bon, là, on se demande qu'est-ce que c'est pour elle la panique. OK, Google. Signification de panique. Panique, qui trouble subitement et violemment l'esprit. Là, je tiens à vous dire que j'ai cette machine-là, puis je suis bègue. Il y a des mots que je ne suis pas capable de dire. Puis quand je m'y attarde, elle s'arrête. Il y a un petit luminant rouge qui est au-dessus de sa tête qui fait beaucoup de va-et-vient. Ça veut dire qu'elle écoute et qu'elle essaye de déchiffrer. Puis quand elle fait bien ce que je lui demande, il y a un petit tapis sensoriel sur le dessus que tu peux flatter. Comme ça, elle se valorise. C'est une machine, je sais, je sais, je sais. Je m'en vais là-dedans. Avez-vous vu le film Air? H-E-R. Ah, ce serait bien d'y demander. OK, Google. OK, Google. Le film Air. H-E-R. Là, c'est peut-être trop... Excusez-moi, ouais, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Ouais. Flash Dance, peut-être? Citizen Kane, The Other Side of the Wind et 59 autres. 52? Non. Bingo! Tu n'as pas mon cas 52? Elle a dit 59. 52? OK, Google. OK, Google. On a dit... attends un peu, là. Allô, ça va? Il s'en passe-tu des affaires? Oui, il s'en passe des affaires. Surtout à Errance Rénaldienne. Connais-tu Errance Rénaldienne? Google! Ferme ta gogole! Gogole, ferme ta gogole! OK. OK, Google. Le temps? En ce moment, à Québec, il fait moins 15 degrés avec un ciel principalement couvert. Aujourd'hui, le ciel sera partiellement couvert, avec des températures maximales prévues à moins 12 degrés et des températures minimales à moins 19 degrés. Bon. C'est comme la... le monologue de Rosaire. Hey, Rosaire, il est quelle heure? On va demander. Hein? OK, Google. OK, Google. Il est quelle heure? Il est 17h07. Hein? Elle a pas raison. Puis oui, elle a raison. Il est 17h07 à l'heure où je fais mon émission. OK, Google. OK, Google. OK, Google. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le samedi 8 décembre 2018. Dit-elle la vérité? Dit-elle la vérité? Dit-elle un mensonge? On ne sait rien d'elle. On ne sait rien d'elle. Elle est arrivée par chez nous, par le chemin du rendez-vous. J'ai ouvert la porte et devant moi, une boîte s'offrait. À mes yeux, quand je l'ai pris dans mes bras, je l'ai cajolé tout bas, je lui dis, tu vas me faire la voix vide, la bénisse est morte, il y aura de voir, il y aura de voir, non, non. En rose, depuis ce temps-là, elle me dit, mon amour, de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Évite de chanter, mon Rénal. Ton public t'aime beaucoup, mais quand tu t'en vas dans la chanson, on dirait qu'ils s'en vont dans d'autres stratosphères qu'on ne peut pas nommer ici parce que c'est inconnu encore de tous les savants, de tous les astrologues. Les astrologues, c'est un rite, un mythe, ça. C'est un... Astrologue, c'est des gars, c'est un gag. Enlève astrologue, on va juste savoir. OK, Google. OK, Google. Signification d'astrologie. Astrologie, art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des astres. J'aime bien ça, elle est brillante, elle dit supposée des astres. Supposée des astres. Supposons que... Supposons, mon Rénal, que ce soit le 31 décembre, la grande ours se fait manger par le petit ours. Le petit ours se fait manger par le renard, puis le renard se fait manger par le petit prince. Que reste-t-il? Bien de l'actualité à venir. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour, sur la route, je m'arrête de t'aimer. Pardon? Oui, je t'aime. C'est parce que je sais dire le t'aimer en western. Je t'aime. T'aimer jusqu'à l'incertitude. J'ai dit arrête de chanter. Bon, on dirait que j'ai le tympan grelottant. Quand j'ai le tympan grelottant, c'est de la musique qui m'arrive à l'oreille. Puis ça tombe rarement dans l'oreille d'un sourd. Puis même les sourds entendent à rire. Même les sourds entendent. On peut... Pas au même diapason que les... On est en morse, là. On dirait Bob Dylan. En parlant de Bob Dylan. En parlant de Bob Dylan. Oh, je suis allé voir, il n'y a pas longtemps, Hugo Frey. À Québec. Il terminait sa tournée québécoise chez nous. Au Palais Montcalm. J'étais en avant, deuxième rangée. J'avais acheté mes billets depuis un an et demi. C'était pas comme Gérard Depardieu. Je n'ai pas oublié ce rendez-vous. Il a commencé, sans faire de vilain jeu de mots, par une chanson de Brassens. J'ai rendez-vous avec vous. Le c'est puis après ça, il a enchaîné avec Le Sentier de Félix Leclerc. Le sentier près du ruisseau, c'était extraordinaire. Une belle rencontre. La première que j'ai eue avec lui et la dernière. Il était très ému. Normalement, il faisait des spectacles de 70 minutes, mais comme c'était la dernière, il nous a offert 95 minutes de chansons. Et lorsque les gens n'ont pas de talent ou font pas grand-chose de très intéressant pour récupérer leur vieille chanson, ça peut devenir kitsch, vieux jeu, rétrograde. Mais Hugo Frey, dans sa chanson que tout le monde connaît, « Adieu, salut le professeur, ça, na, na, na, na, na, na, na. » Il l'a repris d'une manière extraordinaire. Il a une mini-scène sur scène où il y a un bureau. Il descend de cette petite scène-là pour se retrouver sur la scène principale. Et comme si le professeur était là. Le professeur, c'est Hugo Frey qui, pendant toute la soirée, racontait l'histoire de sa vie. Et 5-6 chansons avant que le rideau tombe, il n'y avait pas de rideau, donc il n'y a rien qui a tombé, avant que le public quitte, ben, Hugo Frey, en haut de ses 89 ans, a descendu un palier qui était sa deuxième scène, pour se trouver à la scène principale. Et il a chanté comme si un professeur était là. « Adieu, salut le professeur. » C'était extraordinaire. Un grand moment de spectacle. Il y a des titres que je connaissais, hein? Beaucoup. Le Rossignol. Oh, là, c'est... Je la chante souvent depuis quelques temps. Là, je la lancerai pas de même parce qu'il est déjà trop tard. Et je dois vous... Oh, on va juste vérifier si elle connaît Hugo Frey. OK, Google. Signification Hugo Frey. Selon Wikipédia, Hugo Frey, dit Hugo Frey, né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, est un auteur-compositeur-interprète, guitariste et sculpteur français. Les gens savaient qu'il était auteur, compositeur, chanteur. Il a traduit du Bob Dylan. Il a traduit beaucoup de monde. J'ai un blanc, là. Mais sculpteur, oui, il a voulu faire les beaux-arts, mais son père l'a freiné, malheureusement, parce qu'il voulait qu'il fasse quelque chose. Il a dit, « Ah non, moi, je serai un vagabond, un itinérant du savoir, je marcherai avec ma guitare et je l'ai entendu faire des reprises. » Ah, puis aujourd'hui, ben là, il a présenté il a fait un album sur Félix Leclerc, sur plein de personnes qui a croisé son chemin. Donc, c'est extraordinaire, Hugo Frey. Alors, aujourd'hui, le lundi 31 décembre 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oui. Oublions les abandons. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami France Fanel, Madame Montmartre, grande amie de notre ami Michou. Michou! C'est qui c'est Michou? Oui. Alors, on s'arrête ici pour humer l'odeur de cette délicieuse France Fanel et évoquer, bien sûr, Michou! Oh, hein, on va voir si elle connaît Michou. OK, Google Play. OK, Google. OK, Google. Qui est Michou? Selon Wikipédia, Michou, de son vrai nom Michel Cathy, est un directeur de cabaret français, né le 18 juin 1931 à Amiens. Amiens. Michou. France Fanel. C'est les miens, c'est mes amis. Oh! Oh, attendez. Oh non, non, ça peut être cruel. Oh, je dirais pas. OK, alors on y va. On est là pour quoi? On est là pour qui? Dans les magasins, à se prendre la tête. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend? Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Ça ressemble à un petit toutou. Grande dame de la chanson oui. Française, bonjour. Oh, grande dame de la chanson française, oui. Non? Non. Oh, vous êtes humble. Je chante à Montmartre ou pas? Oui, oui, oui, mais on vous a connu, nous, au Québec, grâce à la chanson. Ah, oui, oui, oui. Donc, oui. Ça a été une grande porte vers la francophonie. Sans bien le savoir, sûr. Vous êtes rentré chez nous et vous nous avez... amener de la bonne musique et de la belle musique avec malheureusement l'émission qui n'existe plus, c'est terminé. Ben oui, dommage. C'est très dommage, mais. Très dommage. À savoir, est-ce qu'il y a de la relève? Pardon? Est-ce qu'il y a de la relève à la télévision ou à la radio pour ce genre de chansons-là? Chansons réalistes, chansons. Oh, je pense que oui, quand même. Oui? Vous le souhaitez? Que ça revienne. Non, mais croyez-vous qu'on laisse encore de la place aux chansons des années 50, 60? Ce serait bien, hein? Oui, ce serait bien, mais on n'entend pas beaucoup de musique de ce style-là ici, même au Québec, malheureusement. Oui, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous amenez à la musique? J'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Vous êtes tombée dedans? Depuis que je suis petite, donc j'ai toujours fait ça. Là, Mais aviez-vous des parents mélomanes? Aviez-vous des... Alors moi, j'ai perdu mes parents, j'étais très jeune, mais je suis d'origine bretonne. Et ouais. Bon, chantez beaucoup en famille quand même. OK, c'est ouais. Le côté festif. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ce que vous avez fait, vous êtes quand même heureux du parcours? Bien sûr. Oui. Je continue toujours à chanter. Oui. Mais la télévision vous a quand même pas poussé. Êtes-vous consciente de ça? Il faut être aidé aussi peut-être, avoir un attaché de presse ou bon. Un machin, oui. Voilà. Ben, quelqu'un pour vous mettre sur la sellette. Voilà, bien sûr. Mais c'est vous qui vous occupez de vous-même, c'est vous qui. Oui et non, quoi. Je prends l'occasion quand ça se présente. Voilà. Trouvez-vous que la chanson française a changé avec les années? Oui, quand même, mais ça revient. Il y a beaucoup de jeunes qui écrivent des beaux textes et ça existe encore. Ouais. Avez-vous le goût de les chanter? Ou si vous êtes encore rattaché aux chansons que l'on entendait? Je chante également des chansons des copains. Avec les années, vous avez rencontré beaucoup d'artistes, vous avez rencontré des grands de ce monde, des gens qui ont fait leur marque. Notamment Charles Dumont, que je vois. Qui est encore en pleine forme à 80 ans. Oui. Je le vois. Je fais beaucoup de rencontres aussi chez Michou, puisque je travaille un petit peu chez Michou. Oui, je le rencontre demain. Vous voyez, vous le rencontrez avec demain. Avec Fabienne Thibault. Avec Fabienne, très gentille, Fabienne. Une bonne Québécoise qui a travaillé pour sa cause. On se retrouve toutes chez Michou. Et nous rassemble. Et c'est la fête. Et c'est la fête, bien sûr que c'est la fête. Est-ce que ça ramène un peu les années perdues, se rencontrer ensemble à redonner des airs ainsi? Les années perdues. Que l'on n'entend plus dans les radios populaires ou dans les radios, à part CKRL, à part certaines radios. On les entend surtout à Montmartre. Oui, à Montmartre. Mais ça ne se rend pas aux oreilles de tout le monde. Non, c'est pas aux oreilles de tout le monde, c'est alors vrai. Alors pour les amateurs, il faut se pointer à Montmartre, c'est là que ça se passe. C'est un village, donc... Vous êtes arrivé ici en quelle année? Alors, je suis arrivée ici, j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 69, je ne sais pas compter. C'est bien comme ça. Est-ce que vous êtes arrivée à Montmartre au tout début ou si vous l'avez apprivoisé? Au tout début, et puis je suis née dans le 18e, parce que mes parents étaient venus à Paris après la guerre, je suis née dans le 18e, et on est retourné un petit peu en Bretagne et je suis revenue. Alors vous êtes attachée à Montmartre, vous êtes attachée à la chanson française? Bien sûr, et puis il y avait de la musique partout à l'époque. Il y avait beaucoup de cabarets. Qui n'existent plus, il n'y a plus de cabarets. À part Michou, qui n'est pas vraiment un cabaret de chansons, mais qui est quand même un endroit où on peut se retrouver. Oui, mais on se marie la chanson avec le numéro transformé, c'est très bien. Est-ce que la musique fait partie de votre vie depuis toujours? Oui. Sans musique, vous êtes plus... Comment j'expliquerais ça? C'est... En somme, c'est ma drogue à moi. Oui. C'est votre source de vie. Voilà, bien sûr. Il n'y a pas une journée où vous chantez pas. Il n'y a pas une journée où je chante pas, et puis c'est comme ça. Et Montmartre vous a accueilli ou si c'est vous qui l'avez apprivoisé? Un peu des deux. Qu'est-ce qui vous attire encore à Montmartre? Pardon? Qu'est-ce qui vous attire encore à Montmartre? Tout. Il y a toujours quelque chose. Tout change, mais il y a toujours de belles rencontres à faire. C'est vrai. On fait toujours de belles rencontres. Êtes-vous une femme toujours à l'écoute de ce qui se passe dans la chanson en général ou si vous êtes beaucoup plus axée sur la chanson française? Je suis plus axée sur la chanson française, mais j'écoute quand... Bon, l'anglais, je ne comprends pas, mais si c'est en français, oui, j'écoute. Bonjour, je vais vous prendre un jus, mais lequel? En bouteille ou pressé? Une limonade. Ah bon. Voilà, c'est très facile, une limonade, merci. Okay. Donc, on parlait de la chanson qui, euh, de Montmartre. Et est-ce que c'est vous qui avez apprivoisé Montmartre ou si c'est Montmartre qui vous a apprivoisé? C'est un peu des deux. Les deux, les deux. Montmartre m'a accueilli déjà. Oui. Donc, comme j'ai commencé sur là-haut, sur la place du Tertre, bon, il y avait un guitariste qui jouait à l'extérieur et puis bon, je me suis dit, tiens, je vais chanter avec lui. Après, on nous a fait rentrer dans les établissements, ça commence comme ça, de toute façon. J'ai chanté aussi dans le métro. Hein, C'est une école. C'est une grande école. Difficile, hein. Mais... L'école de la vie, ça, oh, c'est... Oui, c'est un peu chanter dans un bar, c'est quand même une grosse école, parce que les gens sont pas là pour vous écouter, ils sont là pour manger, pour boire. Voilà, voilà. Et je vais régulièrement aussi chanter le dimanche soir a cappella, sans musique, hein, au Mombok. Oui. Vous connaissez le Mombok? Oui. Ah ben voilà, ben ah ben, oui, c'est très bien. Je suis là-bas le dimanche soir. Ok. Oui. Il vous faut donner des airs. Voilà, des airs de Félix Leclerc, de Piaf, de bien sûr. Est-ce qu'on vous réclame des chansons? Est-ce que les gens vont là pour vous demander? Ils demandent quelques chansons, ça dépend. Êtes-vous touché toujours de l'intérêt qu'on vous porte malgré le fait que vous êtes moins médiatisé, vous êtes moins... Et qu'à une certaine époque, dans les années 80, on avait juste ouvert le poste et on vous en... Oui, ça me fait plaisir d'entendre de l'intérêt. Et puis bon, ça fait du bien. Ça. Et puis je leur fais du bien aussi. Hein. Oui, mais c'est réciproque. C'est réciproque. Qu'est-ce que vous aimez dans la chanson? Qu'est-ce que vous recherchez pour vous dire, là, celle-là, je me l'accapare et je vais l'interpréter? Ah, c'est une façon de m'exprimer aussi. Oui. Alors, vous ne voulez pas chanter n'importe quoi? Vous Ah ben, faut que... Comme je ne connais pas la musique, c'est tout. Il faut que le texte, il faut que j'ai envie de dire ce qui est écrit dans la chanson quand même. Sinon, je peux pas. Et vous avez des incontournables? Oui, bien sûr. À part Félix Leclerc et Tipia. Il y a un petit peu Aznavour, il y a. Merci. Aznavour, encore sur scène aujourd'hui, il était en tournée pas si longtemps. Il y avait Brassens. Brassens, Georges Brassens, Jacques Brel. Avez-vous tout rencontré ces gens-là aussi? Non. Je ne sais pas rencontrer. Mais vous auriez voulu. J'aurais bien aimé, oui. Pourquoi vous ne les avez pas rencontrés? Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas là au bon moment? Peut-être. Et c'est un c'est peu... C'est le destin, hein? Oui, effectivement. C'est le destin. Et les chansons, est-ce qu'il y en a certaines qui vous collent à la peau encore aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a des chansons que je ressens un peu plus que d'autres. En ce moment, je change un petit peu de... De répertoire? De répertoire. OK. Et parce que là, Michou, pour Michou, j'ai un ami qui a écrit les paroles et un autre qui a fait la musique. Ah, c'est et bien. Je la chante chez Michou. On écrit pour vous? Ben oui. Parce que quelquefois, je donne le sujet de la chanson et... Allez travailler ça à la maison. Voilà. Alors... la chanson, là, et puis je la chante tous les dimanches partout, parce que dans Montmartre, tout le monde la demande. C'est Je suis Michette chez Michou. Parce que c'est vrai, suis la seule Michette chez Michou. C'est vrai. Mm-hmm. Effectivement. Mais oui. Tu es Michette chez Michou. T'appelles tous les amis, bonjour. Passe ta vie à conjuguer le féminin au singulier. Je n'ai ni chat ni canari, mais j'ai un loulou dans ma vie qui mesure 1m80, qui a des pieds à la place des mains. Il n'est pas du genre à marner, reste au pieu toute la journée. Moi, si je me repose le matin, tous les soirs je pars au turbin. Tu es Michette chez Michou, t'appelles tous les amis, mon chou. Tu passes ta vie à conjuguer le féminin au singulier. Quand je prends la rue des Martyrs pour rejoindre le petit empire que Michou nous a fabriqué pour jouer les reines de la soirée, je me sens rose d'émotion lorsque j'enfile mes hauts talons. Quelle est belle cette liberté qui consiste à se transformer. Tu es Michette chez Michou, t'appelles tous les subisse le supplice de Dandal à nous regarder, nous trémousser. Tout ça nous fait un peu marrer. Avoir l'allure du jouvencel, ça se pratique au naturel. Et à plus de 40 ans passés, je vous l'affirme, c'est un métier. Tu es Michette chez Michou. T'appelles tous les amis, mon chou. Tu passes ta vie à conjuguer le féminin au singulier. Nos numéros sont des folies, Dalida, Nana, Mouskouri, La Calasse, Nolwenn Leroy. Je pourrais même faire Charlevoix, Los Amoureux, Jeanne Stromae, le showbiz est revisité, star d'hier ou d'aujourd'hui, que nous saluons en amis. Michette chez Michou, t'appelles tous les amis, mon chou. Tu passes ta vie à conjuguer le féminin au singulier. C'est ma passion, je le confesse, d'être un acteur de la transgresse. Pour la vivre, j'ai les qualités, et pas seulement les reins cambrés. Je sais danser, je sais chanter, me costumer, me maquiller. Le public plein d'admiration applaudit mes imitations. Tu es Michette chez Michou, t'appelles tous les amis, mon chou. Tu passes ta vie à conjuguer le féminin au singulier. Je suis Michette. Tu es Michette. Je suis une Michette de chez Michou. Take halfway down the cliff, no way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm halfway down the cliff, no way up, no way back. Stuck in the middle, I'm stuck in the middle. I'm jeopardized, paralyzed. Shut your mouth, analyze. What's the prize? What's the prize? Guide is died, guide is died. Boom, boom, boom, boom, boom. Both ways open jaws, waiting for me to drop off. Both ways open jaws, in a second I let go. Talk, talk, talk me not. Got my brain, stand by mode. Left half, right half, none is responding. Slippery, slippery, slippery, slippery, slow. Lorsqu'on va voir sur Internet, il y a toujours... Eh bien, Michou, j'ai rencontré en 1976. Eh, hey, il y a quand même... Un... Je chantais... à l'époque, c'était anciennement le cabaret de Patachou. OK, oui. Ça s'appelait Le Petit Bar, à l'époque. C'était une amie à lui qui le tenait. Il n'était pas encore en bleu. Hein. OK, ouais, le style n'était pas encore tout bleu. À fait... Et j'avais fait une télévision avec Jacques Martin. Oui. Et à la suite de ça, bon, il y avait des journalistes qui venaient, enfin, poser des questions, prendre des photos. Et la propriétaire de l'établissement, qui était une amie de Michou, elle l'a appelé pour venir, quoi. Pour... Et puis, il est arrivé avec un grand bouquet de fleurs, et puis voilà, c'est le jour où je l'ai rencontré. Et c'était un coup de foudre. Voilà. Parce que... Mais on est très amis, on est... Ça s'est soudé avec les années, ça s'est soudé, ça s'est alimenté. Et qu'est-ce qui vous attire chez Michou? Tout. Tout. C'est un vrai petit paradis chez lui, hein. Il a su quand même forger quelque chose. Oui, oui, oui, oui. Et puis... pour les personnes qui viennent de province, il y a beaucoup de personnes qui viennent de province, quand ils viennent chez Michou, les artistes qui passent sur scène, qui font plusieurs numéros, il y a aussi des directs maintenant, il y a Stromae, il y a tout. Oui, oui. Et les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion, qui n'auront peut-être jamais de voir Céline Dion ou voir Stromae, eh ben, ils le découvrent chez Michou. Et elle passe vraiment un très très bon moment. Alors c'est quand même voir les gens qu'on ne peut pas côtoyer comme ça. Côtoyer et les voir comme ça sur... Sur scène, c'est autre chose. Oui, c'est... Parce qu'il y a vraiment de très bons artistes, Michou, c'est vrai. Et est-ce que c'est lui qui recrute? Bien sûr, avec Oscar. Il y a Oscar aussi, oui. Michou et son... Est-ce que vous vous êtes demandé à un moment donné, je vais écrire mes propres chansons? Pardon? Est-ce que vous avez pensé d'écrire vos propres chansons vous-même? Ah, j'avais déjà écrit... Bien sûr que j'ai écrit des petites choses, mais bon, ça, je les ai sur un cahier, quoi. Mais vous n'osez pas... Non, j'ose pas, mais des fois, j'invente un petit air et voilà, et c'est parti. Est-ce que vous le proposez à des paroliers, à des gens qui pourraient donner... Non, je n'ai pas fait encore. La timidité? Peut-être. C'est ça. Est-ce que vous trouvez que la chanson française se porte bien aujourd'hui? Ça remonte un petit peu quand même, je pense. Hein. C'est un peu terminé? Non. Moi, je dis que c'est jamais terminé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr. Oui. Mais il y a encore de la chanson française quand même. Oui. Et qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson-là? Est-ce que c'est l'histoire de raconter un événement? C'est ça qui est bien. Raconter une histoire. En 2 minutes, 3 minutes. Ouais. Eh oui. En 2 ou 3 minutes, voilà. Ouais. Comme là, au mois de... le 12 juillet, je vais chanter à Saint-Christol. Ah oui? Pour la fête du VDM. Vous savez ce que c'est, le VDM? Non. C'est le vin de merde. Le vin des poètes et des philosophes, c'est ça? Voilà. Oui, je connais. Alors, il y a une chanson qui a été écrite en cette occasion, que je vais chanter là-bas. Vous allez faire une chanson? Une chanson. Non, j'en ferai plusieurs, mais okay. Je sais, il y aura la chanson pour les 10 ans de l'anniversaire du vin de merde. Est-ce que vous en avez... Parce que je la vois souvent, cette bouteille-là, mais plus ou moins. Est-ce que vous l'avez déjà goûtée? La chanson? Non, le vin. Ah, bien sûr. Ah oui, et puis, est-ce que c'est vraiment un vin de merde? Non. Non, ça porte bien son nom. En fait, ça suscite l'intérêt. Ça cache le meilleur. Ah oui, c'est ça. Il faut quand le pire cache le meilleur. Ah oui, ça c'est vrai. Il faut. Quand le pire cache le meilleur. Oui, la chanson reste tout le temps présente. Vous êtes dans la rue. Donc c'est une histoire. C'est une histoire sur l'histoire du vin. Voilà. Qui a été écrite par. Par Patrick Bernard pour les paroles. Et la musique, c'est Jean-Paul Charretier. Voilà. Et l'arrangement, c'est Théo. Oh oui. Voilà. Est-ce que vous êtes attaché à certains chanteurs, à certaines chansons que vous voulez garder constamment dans votre répertoire parce que ça représente quelque chose? Il y a quelques-unes de Pierre quand même. Oui. Oui. Que vous ne voulez pas vous départir puisque ça. Non, et puis c'est vrai qu'on me les réclame régulièrement. Ah oui? Oui. Et vous vous sentez toujours à l'aise de chanter ces chansons-là depuis le début parce que ça vous amène, ça vous... Oui, et puis c'est-à-dire que je ne chante jamais de la même façon. Tout dépend qui je rencontre, de mon humeur, de tout. Je transmets ce que je peux. Hein. Ah oui, oui. Et la chanson française que vous entendez et que vous écoutez, c'est encore celle que vous voulez faire entendre de tout le monde? Vous voulez continuer à propager cette musique-là? Ah. Oui, pourquoi pas. De toute façon, elles sont immortelles. Eh oui, voilà, exactement. Mais... elles sont immortelles. Il y a même de très vieilles chansons de Lucienne Delisle. Damien. Damien, nous sommes maîtres de la terre. Damien, c'est une grande personne. C'est vrai. C'est vrai. C'est des gens que vous avez écoutés, mais que vous n'avez jamais rencontrés. Ben non, j'aurais bien voulu. Oui, hein. Oui. Ouais. Mais est-ce que mon marque a changé depuis des années? Un petit peu quand même, mais dans la rue des Abbesses, ça va. Oui, vous vous reconnaissez? On se reconnaît. Là-haut, je ne me reconnais plus. D'ailleurs, j'y monte plus, très peu. OK. Avant, j'étais là-bas tous les soirs, et ben, là, maintenant, on vend des t-shirts, des porte-clés, il y a encore chez ma cousine, oui. Qui est sympa, oui. il y a la Bonne Franquette, c'est sympa aussi, il y a un petit resto tout simple, un petit groupe de personnes âgées qui tiennent ça. Ça s'appelle le Vieux Chalet, ah oui, où il y a un jardin derrière. On a l'impression d'être à 50 km de Paris. Ah, c'est bien. On est sous les vignes, voilà. Ça c'est... Mais sinon, là-haut, j'ai travaillé longtemps chez la mère Catherine, mais ça a changé. Ah ouais. C'est venu tout neuf, tout beau. Voilà. Mais... ça a perdu son âme. Il n'y a plus l'âme... de Montmartre de l'époque. Voilà. Est-ce que Charles Dumont, vous le rencontrez souvent ou c'est... Oui, ben je rencontre souvent chez Michou et puis je le rencontrais beaucoup avec Madeleine au Bon Boc. Oui. Ah oui, oui. Je le rencontrais beaucoup là-bas. Est-ce que c'est un homme, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'actualité, est-ce que c'est un homme qui fait encore des spectacles ou... Bien sûr. Il y a toujours son club de fans. OK. Ben, oui. Toujours piano-voix. Et je me rappelle de lui lorsqu'il était en duo avec Diane Juster, une Québécoise. Ils ont fait des chansons, des duos extraordinaires. Et c'est la voix chaude de Charles Dumont. Ah ben, elle n'a pas changé sa voix. Non, non, c'est... Elle n'a pas changé. Mais les gens réclament encore ça. Ah bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on voit encore sur scène de la musique rétro, des chanteurs qui viennent reprendre leur tube, parce que les gens veulent entendre ça, veulent revivre ces années. Et avec Michou, souvent, on se retrouve chez Daniel au petit café de Montmartre, vous connaissez, non? Oui, c'est ici à côté, là? Oui, oui. À côté de... Tous les soirs, je m'y retrouve, là. À côté de Marcotte, c'est ça, du restaurant ici, là? C'est un peu plus loin. Oui, en bas de la côte. Non, c'est sur la non, bah, c'est en face de la pomponnette. OK, oui. Okay, où il y a la petite place. Oui, à côté de la mascotte. Non, plus loin, loin, sur ce trottoir-ci, mais plus loin. D'accord. Et c'est un endroit où vous Non, on est tous les soirs, là, pratiquement. Là, j'y vais tout à l'heure. Normalement, il y a un prêtre qui doit venir, qui a sorti un CD. Un CD de? De chansons, donc je vais voir si... Ah oui, il jamais, peut-être qu'il y a des chansons qui sont bien. Est-ce qu'il fait son lancement de disque, là? Ben, je ne sais pas s'il fait ça, mais je sais qu'il a sorti, on l'a vu hier avec Michou, et normalement il doit revenir ce soir à 19h. Un curé? Oui, en soutane. Qui ne chante pas des chansons catholiques, il chante des... Ah, je ne sais pas ce qu'il chante, je ne l'ai pas écouté, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a connu les cabarets avant. OK, OK, donc c'est un nostalgique. C'est un ancien chanteur. Quoi. Alors, il y a plein de monde qui viennent se greffer à vous et à Michou pour faire entendre un peu ce qu'ils font, que la chanson « Non » n'a pas été publiée et qu'on reste toujours fidèle à ce qu'on a entendu. Michou, c'est infidèle. Oui, comme vous d'ailleurs, fidèle à la chanson. Fabienne est fidèle. Fabienne, on la voit régulièrement. Oui. Qui est cet être humain-là à côté de moi? Qui chante exactement les mêmes mots que moi? Même si sa bouche n'est pas vraiment la même, elle s'ouvre et se ferme, c'est carrément idem. J'adore l'odeur de ses vêtements, j'aime sa coiffure et son accent. Si nos yeux se croisent, je l'embrasserai maintenant. Et nous ferons l'amour éternellement. One moment petit café, elle va... Est-ce qu'au petit café, c'est le rendez-vous des artistes un petit peu? Parce qu'on avait besoin de ça, chose qu'on avait là-haut avant. On avait des petits bistrots, on tournait, des musiciens, on se retrouvait tous, comme à Pigalle, on se retrouvait tous les mardis, on se retrouvait et on disait, tiens, si tu veux chanter, j'ai... Mais maintenant, il n'y a plus ça, c'est fini. Alors, on se retrouve un petit peu au petit café maintenant, chez Daniel. Et puis, il y a les anciens qui viennent. Il y a tous les anciens chanteurs qui viennent. Et qui viennent fredonner, chanter. Bah, des fois, ils fredonnent, on boit un verre ensemble. Et vous parlez de cette époque-là. Oui, et puis la vie continue. Et puis, ils travaillent toujours. Hein. Ils sont actifs. C'est sûr qu'ils ne sont pas médiatisés comme la nouvelle génération, mais ça marche quand même. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Quand on écoutait la chanson, la musique venait à nous, on n'allait pas à la musique. Et voilà. Et c'était des passionnés, c'était Didier Ouvrard qui était... Didier, ben oui. Que j'ai eu la chance de rencontrer, un grand bonhomme qui défend la cause de la chanson française. Bien sûr. C'est un homme qui veut encore faire une place prépondérante dans sa vie active à la chanson française. Bien sûr. Mais il avait proposé aussi une genre de suite de la chanson, mais on lui a barré... Dommage. Mais il n'a pas abandonné, il est toujours... Il ne faut pas abandonner. Non, mais on s'épuise à trop vouloir changer les choses quand il y a personne qui trouve... Et vous, dans cette... En Bretagne, il y a une radio qui s'appelle Radio Bonheur. Vous ne la connaissez pas? Non. On entend toutes les anciennes chansons, et on entend aussi des nouvelles chansons, mais écrites par... des anciens, tout ça. Mais c'est vraiment une belle émission. Ah, c'est bien. Ça s'appelle Radio Bonheur. Ça me fait penser un petit peu, comme il y a dans le temps, quand il y avait Radio Montmartre. Oui. C'est un peu le même... Le même univers. Le même univers, et c'est en Bretagne. Et ça marche très bien, Radio Bonheur. Allez-vous quelquefois chanter là-bas? Non, j'y suis jamais allée. J'ai pas demandé. Mais vous l'écoutez sur Internet? Oui, maintenant oui. J'écoute à la radio là-bas, mais on peut l'écouter sur Internet. Ah oui, c'est bien. Et comme ça, la musique ne meurt jamais. Elle ne mourra jamais. Exactement. Ouais. C'est comme il y a Michel Varenne, il fait Radio Anguin, c'est pareil. On entend des airs d'accordéon, des choses comme ça, quoi. C'est vrai. Michou est passé sur son émission il n'y a pas longtemps, Radio Anguin. Mais c'est vraiment à la télévision que qu'on a pu entendre vraiment les accordéonistes, les danseurs avec Pascal Sevran. Mais il n'y a plus d'émission. Non. C'est des missions. Et ça a duré des années, ça a duré 18 ans. Oui, c'est dommage. Maintenant, on apprend à faire la cuisine. Ouais. On apprend. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Hein. Et on crée des vedettes instantanées. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. La télé, il n'y a rien, de toute façon. Non, la télévision, il n'y a plus de télé. Heureusement qu'il reste la radio. Oui, parce qu'il y a la télé, c'est fini. Puis même, il y avait des émissions à la radio sur France Inter, sous le soleil exactement. Bien sûr. Sous les étoiles exactement, où on laissait la place à la chanson, où il y avait des spectacles en direct de nuit. Et on a remercié Serge Levanant comme si c'était après 30 ans de vie active à la radio. À la télé, il n'y a rien. Hein. Non. Même Patrick Sébastien, je ne me demande même pas si ça ne va pas terminer. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est jamais sorti en DVD. On pourrait le transmettre, mais c'est jamais sorti en DVD. La chance aux chansons, les grandes... Ah ouais, dommage. Les grandes émissions de la chance aux chansons. Dommage. L'accueil qu'ils ont fait à Charles Trenet, c'était merveilleux. Mais aujourd'hui, avec les DVD, nous aurions pu l'enregistrer, mais c'est terminé. Mais avec... Quand Pascal, je chantais avec chez Pascal, je n'ai jamais chanté une chanson, je n'ai jamais fait de reprise. Il m'a toujours demandé de passer avec une chanson à découvrir, quoi. Et c'est ça qui vous amusait de jouer? Ah, mais j'aimais bien aussi. Bien sûr. Il me dit, tu as des chansons, tu vas la chanter. Comment vous avez connu Pascal Sevran? Pascal, j'ai rencontré dans Montmartre. Hein. Il se promenait ici? Bien sûr. Dans la rue Le Pic. Et il vous a invité comme ça, tout bonnement, à passer à son émission? Oui, puis là, c'était aussi un petit peu son équipe. Il y avait Didier, il y avait tout... Tintin? Voilà. Ouais, toute la clique. Ben, là, voilà, Voilà. Et c'est des gens qui laissaient la place, comme on dit, à la chanson, qui laissaient la place à l'accordéon, accordéon de musique. Puis c'était quand même... C'était élégant comme émission. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était élégant. Et c'était quelqu'un de très rigoureux. C'était pas quelqu'un qui laissait... Ah ben, il laissait rien passer. Non, il avait raison. Oui, oui. Il a eu des critiques pour ça. Mais moi, je dis qu'il avait raison. C'est son émission. Il avait raison. Il avait raison. S'il avait quelque chose à dire, il le disait. Il avait entièrement raison. Enfin, pour moi. Oui, mais ça donnait l'émission aussi qu'on connaît. Ben, et on en parle après tant d'années. Ça marquait une époque. Voilà. Ça marquait les foyers français et québécois. Parce que la chanson, comme je vous le disais, entrait chez nous. Ben, bien sûr. Et puis, toutes ces personnes, toutes ces mamies, qui sont dans les petites maisons de retraite. Ouais. Mais elles se réunissaient au goûter pour regarder l'émission. Exactement. Et maintenant, il n'y a rien. Et ça suscitait la discussion par la suite. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est... Il n'y a rien. Elles s'arrangeaient un petit peu. Ils en discutaient. Mais là, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus rien. Il y a Michou pour les mamies, oui. Pour les mamies du 18e. Exactement. Alors il y a Michou pour les mamies du 18e, comme ça il peut. Ben, Fabienne vient chanter des chansons. Jean-Luc Lahaye vient chanter la chanson. Charles Dumont, il y a tout. Nana Mouskouri, il y a beaucoup de personnes qui sont solidaires et voilà, sont fidèles. Est-ce que vos parents écoutaient beaucoup la musique? C'est-à-dire que moi, ma maman, je sais qu'elle chantait un petit peu parce que j'ai un peu des souvenirs, mais je les ai perdus, j'étais très jeune. Ouais. J'avais une dizaine d'années pour ma mère et mon père un petit peu plus tard. Mais bon, on écoutait beaucoup la radio surtout. Et oui, ma mère, elle chantait donc. Et puis j'avais un oncle qui jouait de l'accordéon. Mais en France, il y avait beaucoup de musiciens. Mais c'est vrai que dans les provinces, oui. Dans les campagnes, oui. Là, on se réunit en famille et puis on chante, on se raconte des histoires. Ça tue la monotonie aussi. Mais dans toutes les provinces de France, c'est ça. Hein. Au Québec aussi. C'est on avait un joueur d'accordéon, chez nous on appelle ça un violonneux, quelqu'un qui jouait du violon, comme ce pointu, que Gilbert Bécaud a vu et a demandé de le suivre avec lui pendant 4 années. Et ça l'a propulsé, lui qui travaillait dans son coin. M. Pointu est devenu une vedette grâce à Gilbert Bécaud. Et avez-vous connu des grands chanteurs de ce monde? Avez-vous côtoyé ces grands chanteurs-là? Récemment? Non, mais Charles Dumont, mais Gilbert Bécaud. Non, j'ai pas vu Gilbert. Mais vous l'avez entendu? Ah oui, je l'ai entendu. Oui, pas de problème. Ma journée de travail, j'avais terminé. D'accord, pas de problème. Je l'ai entendu. Et est-ce que c'est des chansons que vous chantez vous-même? Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Mais ça se démode pas. Ben non, c'est ça, parce que c'est vrai. Oui. On se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Bon, moi, j'ai mon accent parisien, excusez-moi. Non, mais c'est pas juste ça, c'est qu'en même temps, en rechantant ça... Tu fais sourire? Pardon. En rechantant ces chansons-là, après certains temps, ils prennent cette effervescence-là, ce côté que l'on avait peut-être oublié parce qu'à 20 ans, on ne chante pas comme à 5 ans, pas comme à... Donc les mots prennent toute leur place. Vous n'êtes jamais venu à la mascotte le dimanche midi? À la mascotte, non. Parce que le dimanche midi, il y a l'accordéon et tout le monde chante et puis ça danse un petit peu. Mais j'ai vu des vidéos que vous avez faites là-bas. J'ai vu des vidéos que vous faisiez souvent à la fête à Michou, à votre propre fête, on vous filmait, vous chantiez. Je vous ai vu chez Michou chanter une chanson à Capella avec 2-3 amis à Michou. C'est merveilleux. C'est... J'y étais, mais chez moi au Québec, donc je vous écoutais. Et pour vous, la chanson, c'est encore l'espoir, c'est encore la raison de votre vie? Bien sûr. Ben, si je chante plus, je meurs. enfin, non, je... Oui, mais soyons si, pas... Si, c'est vrai, dans le fond, ouais. C'est ça. Et vos parents, sans le savoir, vous ont inculqué ça à la maison, si on chantait, vous vous en souvenez déjà un peu? Ben oui, oui. Voices shot to the skies. There were cries into unblind eyes. There were downturned palms unraised. From fist to cross that drowned out in praise. There were shouts shot from the back of tongues. Swallowed down throats to choked up lungs. Joy brimming from the deepest well. From the source sprung to break the spell. How long? A raindrop became a sea. From one sea grew a forest of trees. Two bodies and generations came to walk the ground and disappear again. Till a siren blew among the reeds, warning of crops that no longer feed. Sending buds up to flower and bloom under cover of the darkest moon. Hello. Across the western lands. It's a spirit that I crave. island, people watched you. You set that Viking ship ablaze. We reach the moon falls, icy cauldron, and found the spirit that I crave. Oh, I need some sunshine. All I need is, all I need is some sunshine. All I need is. You fall barefoot past the tree line. Avez-vous des frères et des sœurs? Bien sûr. Est-ce que eux aussi sont dans la chanson? J'ai une sœur qui se met à chanter un petit peu maintenant, qu'elle est à la retraite. Ah oui? Ah, ça donne des ailes à la retraite. Maintenant, elle ose. Ah oui, mais ça donne des ailes à la retraite, au moins. Maintenant, elle ose. Ah oui. Mais... Elle avait parti d'une chorale et elle chante les chansons de Piaf et tout. Est-ce qu'elle regrette de ne pas avoir chanté avant? Non, je pense pas. Elle fait ça pour le... Et comment vous êtes vue dans votre famille? Ah, je suis partie, j'étais déjà... Oui. Quand vos frères, vos sœurs, comment ils vous regardent aujourd'hui? Oui. Êtes-vous la chanteuse, l'artiste de la famille? Oui, mais je suis... Oui, peut-être, oui. Vous leur avez jamais demandé si... Non, mais bon, quelquefois, ils me disent, tiens, il y a un repas, tu viens... Voilà, oui. Quand il y a des fêtes en Bretagne, bon... vous savez, il y a des fêtes en Bretagne, très souvent. C'est très festif, donc il y a un petit peu de fest-noz et puis en plus la chansonnette, ou voilà. Et surtout les gens qui n'osaient pas chanter se lient à vous et vous faites une chorale sans savoir. Bah, bien sûr. Et ça monte. Bien sûr, comme ça. C'est ce qui se passe le dimanche à la mascotte. Oui. Ok. Ouais, c'est merveilleux parce que elle reprend vie, cette chanson-là reprend vie. Et, les plus timides vont oser fredonner parce que vous êtes là et vous les soutenez. J'ai 10 questions et j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. Si vous étiez un liquide... Si j'étais... Un liquide. Un liquide, oui. Ouais. Si vous seriez un liquide, vous seriez quoi? Ah, si j'étais un liquide? Oui. Oh, un liquide de l'eau. Oui, exactement. Un bon verre de vin. Lequel? Le rouge ou le blanc? Le rouge. Le rouge, il y a du tanin. Oui, effectivement. Et puis, ça donne la joie. Et de la couleur. Voilà. Elle met lequel? N'importe quel vin rouge? J'aime bien le Bordeaux. Ah oui? Mais aussi le vin de mer, maintenant. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Vous êtes presque la porte-parole de ce vin fabuleux. Si vous étiez une ville? Une ville? À Paris. Surtout le 18e. Oui, bien sûr. Montmartre. Ah oui. Mais c'est pas une ville, Montmartre. Non, enfin, mais ça devrait l'être. Voilà. Si vous étiez une langue. Une langue. Une bonne langue de bœuf. Oui. Jean-Claude Dreyfus a dit une langue de cochon. Lui adore les cochons. Là. Si vous étiez une époque. Alors là, c'est plus compliqué. Hein. Si j'étais une époque. Ben, une époque où je... Vous êtes heureuse dans cette époque-ci? J'aime toutes les époques, finalement. Vous êtes ouverte Il y a toujours des découvertes, alors... Alors, cette époque-ci? Oui, cette époque-ci. De toute façon, pourquoi faut vivre avec son époque. Exactement. Hein. Il ne faut pas le faut pas regretter, pas revenir en arrière. Vous avez raison. Ben, je crois. Hein. Ah oui. Si vous étiez un mot... Ah, amour. Ah oui. Surtout dans cet univers où tout est un peu rapide, s'arrêter et aimer, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. C'est très enrichissant. Si vous étiez un aliment. Un aliment. C'est plus compliqué. Ah oui? Parce que je suis une gourmande, alors j'aime beaucoup d'aliments. Vous êtes épicurienne. Vous aimez bien. Alors, un aliment. Un bon bourguignon. Oui, c'est très convivial aussi. Bien sûr. Tout le monde se sent... Ou un pot-au-feu. Oui, ben voilà, c'est le côté familial, le côté la troupe. On va pouvoir manger à plusieurs. Si vous étiez une saison? Le printemps. C'est plus frais, c'est la renaissance. Voilà, le printemps. Et ça nous amène un bel été. Donc, c'est un avant-goût de l'été. Si vous étiez un membre corporel? Corporel, c'est bien. Oui, un bras, une main. Un membre corporel. Alors là, c'est... Ou peut-être une bouche pour chanter. Oui, le ventre aussi. Ah, le ventre pour accueillir la bonne nourriture et le bon vin, c'est ça, hein? Si vous étiez un moment de la journée... J'aime bien le soir. Ah oui, ben c'est là que les amis se rassemblent. Voilà, la soirée. Vous êtes une femme de troupe, vous êtes une femme. Plus il y a de gens, plus vous avez du plaisir. La solitude doit vous peser lorsque vous êtes seul, parce qu'il vous faut du monde pour exploser, pour... Aimez-vous la solitude? Pas trop. Mais bon, elle est là quand même. Oui. C'est pour ça que vous êtes constamment chez les autres à chanter et à vous réunir pour éviter cette solitude-là. Je suis un oiseau de nuit, alors si j'avais pu être un animal, j'aurais été. Ah oui, un hibou. Mais pourquoi vous êtes de nuit? Est-ce que c'est depuis votre enfance que vous vivez la nuit? Non, parce que je me couchais de bonne heure quand j'étais enfant, mais quand je suis arrivée dans... Mais moi, j'aime la lumière, tout ce qui est illuminé. Alors, le soir, c'est merveilleux. C'est pas la nuit quand tout est noir. C'est pour ça que j'aime Paris. C'est tout le temps. Voilà. Oui, effectivement. C'est l'effervescence. Voilà. La ville lumière, c'est la ville lumière. Voilà. Si on va à la campagne, c'est un peu plus difficile. Oui. Voilà. Oui. Si vous étiez un autre individu. Si j'étais un autre individu. Ah là là. Un autre individu. Homme, femme, c'est ça? Ah oui, oui. Bah, peut-être les deux, tiens. Ah oui, pour vérifier? Ouais, pour vérifier. OK. Ouais. Et peut-être pour produire chez Michou? À choisir, est-ce que vous feriez le même chemin? Oui, je ne regrette pas. De toute façon, je suis le chemin que... Que vous vous êtes tracé? Voilà, que le bon Dieu m'a tracé aussi. Hein. C'est, de toute façon, il y a quelqu'un qui... Qui est là et qui vous... Qui nous... Qui vous dirige. Je pense, hein. Est-ce qu'avec les années, vous laissez vous emporter par le courant ou si vous... Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais... C'est un match. Ah, un match, bon. Non, je sais pas ce que c'est. Non, moi non plus. D'accord. Ah, voilà. Mais ça ne crie pas pour rien. Il faut juste que le sport fait réagir, mais le reste... Mais est-ce que... Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, à propos de... À propos du fait de vivre ici à Montmartre, est-ce qu'il y a toujours cette effervescence-là que vous retrouviez à l'époque? Pas tous les jours, mais il y en a encore. Il faut savoir le trouver. Voilà, il faut le chercher. Il faut le chercher. Et puis aussi, il faut amener la chose. Ben, merci infiniment d'être passé à mon émission. On va diffuser de la belle chanson française. On va vous entendre aussi parce que j'ai trouvé des florilèges sur Internet. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant. Quatre chansons que vous avez interprétées à la chance aux chansons. C'est merveilleux. Vous les avez peut-être sans doute vues? Non, sur Internet. Je vous enverrai ça parce que c'est vraiment un mordu de la chanson française qui a ouvert un site sur YouTube et diffuse la belle chanson d'une certaine époque. Mmh. Et on vous voit à quatre émissions de la chanson aux chansons. Ah bon? Ça va faire plaisir. Vous savez pas ça, hein? Je n'ai rien. Moi. Et oui, voilà. Et ça va me faire plaisir. Ça me ferait plaisir, oui. Ben, moi aussi. Parce que je n'ai rien du tout de la chanson aux chansons. Ben écoutez, il y a des mordus qui, eux, se sont vite accaparés de la chose. C'est bien de se souvenir. Mm. Mais Didier Ouvrard a plein de photos de la chanson aux chansons. Ah bon? Plein de. Oui. Êtes-vous membre Facebook de Didier Ouvrard? Oui, mais je... OK, vous n'avez pas souvent, parce que récemment, il a placé sur son mur la photo avec Charles Trenet et la rose qu'on lui avait achetée, parce qu'il ne voulait pas commencer l'émission sans avoir de rose à la boutonnière. Oui, d'accord. Donc, ils ont tout arrêté, et c'est Didier qui, lui, était rattaché à trouver cette rose-là avant le début de l'émission. Donc, il la présente, et il y a une belle photo. Il y a M. Servant, il y a Ouvrard, et il y a M. Trenet. Ah ouais. Donc, c'est merveilleux, c'est des belles photos d'archives et ça nous rappelle les bons moments de la chanson et ceux aussi, les chansons qui vont encore être chantées et perdurées. Et de cette époque-là, dans les femmes, il reste Juliette Gréco. Mmh. Oh, bah oui, on a... Ah oui, la grande Gréco. Ah oui. Mais après Gréco et vous... Nana Mouskouri aussi, elle est bien. Oui, mais c'est pas une chanson... beaucoup de chanteuses françaises. Voilà, oui, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle a une voix extraordinaire. Ouais. Puis heureusement que ces voix-là restent dans nos oreilles et surtout placées tout droit dans notre cœur. Merci d'être passé à mon émission. Ouais, bon, merci. À la revoyure. À la revoyure. Oh yeah, now yeah. I tell you what. Oh yeah, now. Brainwash the whole world, putting people under pressure. Turning men into business, women into pleasure. They're trying to take our voice and even our face. Hitler's reincarnation trying to wipe out our race. The devil's in their mind and greed corrupt their heart. Power has them sick like a poisonous dart. 2000's not enough, they want 200 more years. But we no longer yield, we've long gone for fears. Brainwash, it's a serious thing. There is no greater for us. Got no love in your heart, Zion will be close for you. Speak the truth, live good and burn out Babylon. You got to know yourself and where you're coming from. The devil's in their mind and greed corrupt their heart. Power has them sick like a poisonous dart. 2000's not enough, they want 200 more years. But we no longer yield, we've long conquered fears. Brainwash, it's a serious thing. Turning men into business, women into pleasure. Oh yeah, now yeah. Oh yeah, now yeah. Chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.